Chapitre 4. L'envoûtement du passé. La porte du presbytère à peine ouverte, une très âgée personne, d'allure de mère grand, mais d'une mère grand bien conservée, toute vive et alerte dans sa courte taille, les cheveux pas encore tout à fait blancs sous la fine coiffe de toile, aux brides relevées sur le sommet de la tête, et rattachées par une épingle, au visage couleur de cendre plissé à petits plis par beaucoup d'années, planta sur les survenants, le prêtre et son compagnon, des yeux si passés, si déteints, qu'ils semblaient des fleurs fanées. Brusquement, elle eut un cri passionné, un élan vers le jeune marin, ses pâles joues colorées d'un jet de sang. « Enfin, c'est donc toi, mon fils ! C'est idiot possible ! Ah ! Mes prières sont exaucées à ce jour, et la vieille Manaïque ne partira pas comme elle l'avait tant redouté sans t'avoir revu. » Marie-Anne, la servante du curé, la fidèle domestique qui avait autrefois élevé l'enfant, tendait à Denis le Marec des mains tremblantes, de pauvres doigts gourds déformés par le travail. Celui-ci les saisit pour attirer à lui la brave femme et l'embrasser d'un retentissant baiser sur les mille rides de son front. « Oui, c'est moi, Manaïque, et pour bien des jours encore. »« Oh, tu dis toujours ça, chaque fois que tu arrives, et puis il n'y a pas un mois que tu es là que de nouveau. » Elle soupira, montrant l'espace et, philosophe, « Je ne demandais au bon Dieu que le temps de te revoir une fois encore, de bien t'embrasser comme je t'aime, et de m'en aller ainsi, toute contente, ton image dans mes yeux. Allons donc t'en aller, eh bien, en voilà des histoires. Tu te portes mieux que nous en solide crozonnaise, n'est-ce pas, mon oncle? Tu es aussi jeune, plus jeune qu'avant. » Un bon rire les unit tous trois en une même pensée de tendresse, de bonheur, tandis qu'ils pénétraient ensemble dans le presbytère. Marie-Anne, marchant devant, annonça d'une voix triomphante. « Tu arrives bien, mon fils. J'ai été aux provisions. Un fameux déjeuner que je vais vous faire. Sais-tu comment m'appellent les gens du pays, tes amis les camarétoises et les camarétoises ?» Elle s'était arrêtée, un peu gouailleuse. Denis leva les épaules, exagérant son ignorance. « Ils m'appellent Carabassène, parce que je leur dis toujours la même chose à ce qu'ils prétendent. C'est que je leur parle trop de toi, sans doute. Ils peuvent dire, ils ne sont pas encore capables de faire un bon plat comme la Carabassène du curé de Camaret. Ah, mais oui, on leur en remontrera, pour sûr, tout de Crozon qu'on soit. » Une rivalité des natifs de Crozon pour ceux de Camaret se glissait instinctivement dans ses paroles, bien qu'elle fût au mieux avec tout le monde et adorée dans le pays. « Ah ah, il t'appelle Carabassène, ma pauvre Manaïque. Eh bien, il faut en rire et n'y point prêter attention. Si tu radotes un peu parfois, comme c'est pour me répéter que tu m'aimes et que tu ne connais rien de plus beau que moi, ce n'est certes point moi qui te le reprocherais, tu sais. » Une gaieté nouvelle, une gaieté ramenée par toute une série de vieux ressouvenirs, lui venait de cette épithète bizarre qu'il se rappelait pour l'avoir si souvent entendue, étant tout petit. Ce mot breton « carabassène » qui veut dire « vieille radoteuse » et que, en armorique, on applique surtout aux servantes de curé. « Ris, ris !» dit-elle en s'éloignant dans la direction de la cuisine. « C'est des rires qui me font douceur au cœur, mon fils. Il y a si longtemps que je ne les ai entendus. » Elle trottait, toute ragaillardie, en un renouveau de jeunesse, de vivacité, de vie. Émue, Denis le Marec la regarda jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Pour lui, le passé renaissait, un passé d'insouciance, de calme, de bonheur. Il se retrouvait immédiatement, sans transition, dans son milieu d'autrefois, enveloppé de la même chaude et fidèle affection qui, aux jours d'enfance, ne lui avait jamais fait défaut. Il lui semblait oublieux de ses longues années d'absence, de ses continuels exils en pays lointain, de ses aventures, de ses naufrages, n'avoir jamais quitté cette cure de Camaret où il avait été recueilli, orphelin, où il avait grandi, insouciant de tout, où il avait été si heureux. Il restait là, debout au milieu du petit salon connu, où rien n'avait été changé de ce qu'il y avait autrefois, où meubles, ornements, tentures, tableaux de piété, tout se trouvait encore aux places identiques où il les avait vues deux grandes années auparavant. Il se rapprocha de la cheminée, invinciblement attiré, appelé par un petit cadre modeste, au-dessus duquel une branche de buis séché mettait une ombre légère, un mince voile de deuil et de piété, un signet comme on en met à la page que l'on veut relire, au souvenir que l'on veut ne jamais oublier. Sous le verre, une photographie, un doux visage de femme, pâli sous le blanc de la coiffe crozonnaise, une croix d'or au cou sur le fichu, des boucles aux oreilles, l'air calme et résigné. Denis balbutia très bas, cherchant à se rappeler, reconstituant des traits trop peu vus, à un âge si tendre, une physionomie presque inconnue. Ma mère, maman. Un grandissant attendrissement l'envahissait, ternissait de brouillard ses prunelles. Et pour lutter contre cette faiblesse qui lui paraissait en désaccord avec sa virilité, sa force d'homme fait, il passa une main brusque sur ses yeux, essayant d'expliquer. « C'est drôle, toute cette brume qui me poursuit. Je ne puis m'en défaire, j'en ai encore plein la vue. » Et il essaya de sourire, luttant contre l'émotion croissante qui activait les battements de son cœur. Mais Pierre Kerbiriou, lui, ne se laissait pas tromper à ces visibles manifestations d'un trouble dont il devinait d'autant plus clairement la cause qu'il éprouvait la même émotion. Dès qu'ils furent seuls, le curé, chassant instantanément les préoccupations imprévues qu'il avait un moment assiégées, ouvrit de nouveau tout grand ses bras pour étreindre son neveu plus largement, plus à l'aise que sur le quai, et s'abandonna, vaincu, tout entier à sa joie. « Mon cher, mon bien-aimé enfant, que je suis donc heureux de t'avoir là, à moi, bien seul, comme autrefois, et de voir que tu es toujours toi, que tu n'as pas changé. » Sa voix s'attendrissait, se mouillait, en un retour vers le passé, en un recul vers les années écoulées. Le jeune homme, n'essayant plus de résister, se livra, comprenant tout ce qu'il y avait d'affection profonde, de chaude tendresse dans ce grand et gros homme aux traits violents, aux allures brusques. Avec un sourire heureux, il l'écoutait plier son rude organe à d'inhabituelles inflexions de douceur pour mieux le convaincre et le caresser. « Je suis content, si content de te revoir, mon garçon. Ah, je peux bien te l'avouer, Eva. Chaque fois que tu pars, j'ai toujours l'horrible crainte de t'embrasser pour la dernière fois. Je tremble de ne plus jamais t'avoir là, comme je t'ai en ce moment. Et je m'en fais des reproches, vois-tu, de cruels reproches. » Il eut un regard furtif vers la photographie couronnée de buis. « N'ai-je pas promis de toujours veiller sur toi, de ne te quitter jamais, de te préserver de tous les dangers ?» Il soupira, les yeux un peu humides. « Ne pas te quitter, te préserver. Comment ?» Denis sourit, prenant dans ses larges mains les doigts blancs de son oncle. « C'est vrai, lorsque je suis là-bas, sur mer, c'est pas commode, et Dieu sait si j'en ai vu de dur cependant. » Naufrage par-ci, échouement par-là, la tempête, les mauvaises roches qui vous attendent un peu partout embusquées en manière d'assassins, les maladies dans tous ces diables de pays où je vais. Ah, ah, ah, mon pauvre oncle, je vous en donne un mal. Mais vous êtes bien avec le bon Dieu, vous, et vous priez pour moi, tandis que, de mon côté, eh bien, je lutte, je ne me laisse pas faire, et je défends ma peau de mon mieux. Ah, mais oui, heureusement, je suis solide, dure au mal, et j'ai des mains fameusement fortes, si elles ne sont pas douces et fines comme les vôtres. De vraies tenailles, c'est avec cela que je me cramponne à la vie. » L'abbé, secouant la tête, moitié riant, moitié sérieux, ne pouvant se lasser de l'examiner. « C'est vrai que tu es un homme, un véritable matelot. Je ne te voyais pas comme cela dans mes idées. Tu étais si gentil, si mignon, tout petit, comme ma pauvre sœur. » Il se détourna, sentant son gosier se serrer. « Ta sainte femme de mère, ah, elle t'aimait tant, qu'elle aurait tremblé, mon Dieu, si elle avait su, si elle avait pu prévoir. Elle n'est plus là. Dieu fait bien ce qu'il fait. » Se rapprochant de la cheminée, en tenant le jeune homme par le bras, il examinait la photographie. « Tu ne te souviens pas, toi, tu étais trop jeune, si petit encore. Restée veuve, presque immédiatement après son mariage, son mari perdu en mer, elle avait concentré sur toi tout son amour, tout son espoir. Elle ne vivait que pour toi. Elle nous a quittés. Il le fallait sans doute. Son rêve, c'était de te voir porter la soutane, comme moi. Chère sœur, maintenant, elle dort là-haut. » D'un geste derrière lui, il indiquait sur la côte, le long de la route de Crozon, le petit cimetière de Camaret dont, par une fenêtre, on apercevait les croix et les verdures débordant un mur bas. Et, se raffermissant, « Enfin, tu sais, elle t'a donné à moi, tu dois m'obéir, me laisser diriger ta vie. » Il hésita un peu, poursuivant. « Et, ma foi, j'ai des projets, de fameux projets. Des projets sur moi, mon bon oncle ?»« Sur toi, oui, sur toi. » « Et tu sais, cette fois, ce ne sera point comme pour ta vocation de marin. Tu ne m'échapperas pas. Oh, ne crains rien, je ne m'occupe que de ton bonheur, de t'assurer une vie heureuse, tranquille, pour quand je ne serai plus là, parce que... » Le marec l'arrêta riant haut. « Vous aussi ? Ah, bien, en voilà une idée. Vous voici comme cette brave Manaïque à présent, à parler du grand départ, avec la mine que vous avez, avec votre santé... Avec la calme existence que vous menez ici, c'est encore vous qui m'enterrerez. » L'abbé Kerbiriou se refusa à la plaisanterie, tout à l'idée qu'il poursuivait obstinément et secrètement, en sa ténacité bretonne, sa prudence de prêtre l'empêchant cependant de s'engager à fond, de dévoiler trop clairement ce qu'il désirait avant d'avoir, de part et d'autre, pris toutes ses précautions. Il hocha la tête. « Va, va, tu peux te moquer. C'est pourtant ton vieil homme d'oncle qui fera ton bonheur. Tu ne seras pas à plaindre, certes non, si tu veux m'écouter, suivre mes conseils, et si tout s'amène à bien, comme il est à espérer. Tu pourrais même faire plus d'un jaloux, mais ta vie. Nous verrons, nous verrons. » Le jeune homme, sans paraître vouloir comprendre sur quel terrain son interlocuteur essayait de l'amener, fit évasivement. « Je pense bien que vous ne voulez pas mon malheur, et vous m'avez toujours trop constamment prouvé votre tendresse pour que je ne vous écoute pas comme le meilleur, le plus sûr des amis, comme un véritable père. Mais nous aurons le temps de causer de tous vos projets. Je ne suis pas prêt de repartir. C'est un long congé que celui que je prends cette fois. » « Bien vrai ? 2 mois au moins, peut-être 3. » « Ah, mon cher enfant, si tu pouvais me rester pour toujours !» Et, laissant ainsi deviner son secret espoir, celui qu'il ne cessait de caresser au fond de son cœur, Kerbiriou enveloppait d'une étreinte plus tenace les robustes épaules de son neveu, comme pour mieux le retenir, l'attacher au pays, en une supplication pressante de tout son être, qui le transfigurait, donnait à ses traits une détente inaccoutumée, une expression féminine d'infinie tendresse. Certes, ses paroissiens n'auraient pas reconnu en ce moment la physionomie toujours bienveillante mais plutôt abrupte et rude de leur curé. Celui dont ils avaient l'habitude, c'était le vrai recteur breton, dans toute son âpreté primitive, n'ayant ni l'élégance physique de l'abbé de grande ville, ni son langage polissé, ni son vernis mondain, ni son cerveau littéraire, presque sceptique sur bien des choses. Là, il se révélait tout autre, ayant un cœur d'une faiblesse de mère, amolli par la passion familiale, une affection qui lui faisait considérer comme un fils cet enfant de la sœur adorée, éternellement regretté. Aussi eût-il voulu épargner à Denis le Marec toute peine, tout ennui, écarter de son chemin les moindres difficultés de la vie. Et, encore aujourd'hui, même après les années écoulées, même après une longue accoutumance qui aurait dû le cuirasser, il avait la plus grande peine du monde à se faire à sa transformation de plus en plus accentuée, à voir en lui l'homme robuste et vaillant qu'il était, malgré son jeune âge, l'homme de lutte habitué aux terribles et incessants combats de la mer. En le regardant, en le comparant par la pensée au frêle et maladif vicaire que la plus légère brume faisait tousser, que la plus faible brise ployait en deux, il en arrivait à regretter vaguement que son neveu eût cette santé brutale, cette force d'Hercule, cette résistance aux intempéries qui le lançait sans cesse à travers de nouveaux dangers. Il exprima tout haut cette sensation intime, irraisonnée, par cette réflexion. « C'est ce pauvre abbé Louarn qui voudrait bien avoir tes poumons. » Denis, devinant à demi les mystérieuses pensées qui tenaient le curé pensif et assombri devant lui, riposta gaiement. « Vous ne me souhaiteriez pas les siens, mon oncle ?» L'abbé eut un remords, un élan d'affection désintéressé. « Oh, mon enfant, toi que j'aime tant !» Le jeune homme l'enveloppa de ses bras. « Jamais plus que je ne vous aimerai, entendez-vous, malgré mes voyages et mes longues absences. » Son interlocuteur reprit. « Enfin, tu sais, tu es ici chez toi, ta chambre t'attend toujours. »« Je ne vous quitte plus. Ah, si tu disais vrai !» La porte s'ouvrit toute grande sous une poussée joyeuse, et la voix de Marianne cria. « Monsieur le recteur est servi !» Ce fut ainsi que Denis le Marec s'installa au presbytère, tout remué encore de son retour mouvementé à Camaret, et sentant de secrètes et indécises racines commencer à le fixer à cette terre, à laquelle, jusque-là, il avait toujours préféré la mer. De la brume flottait encore dans son cerveau, devant ses yeux, mais, du milieu de ce brouillard, se dégageait peu à peu une silhouette qu'il croyait reconnaître, qu'il n'avait cependant jamais vue avant ce dernier retour au pays natal, et qui lui semblait la figuration de l'âme même de la patrie bretonne. Dans cette forme légère, séduisante, il ne retrouvait pas sa petite amie d'enfance, Reine Balanec. Ce qu'elle lui représentait, c'était l'autre, l'inconnue, la fille du Reboutou.